de 73 titres classés dans le top 40 américain. Il a composé et chanté pour plus de 1000 interprètes. Les Beatles, John Warwick, Aretha Franklin, Tom Jones, les White Stripes, B.G. Thomas, Elvis Costello, Dustin Springfield, Marlène Dietrich, Noël Gallagher, The Stranglers et tant d'autres. Il a été samplé des milliers de fois dans tous les styles, beaucoup le rap, a été repris dans toutes les langues et à toutes les sauces. C'est aussi un immense arrangeur, un fabricant de sons aussi important que Phil Spector à la croisée de la soul, de la chanson, du jazz et du big band, format qu'il appréciait par-dessus tout. Il a marqué l'histoire du cinéma aussi en composant quelques-unes de ses plus belles bandes originales. Dans ses derniers concerts, il arrivait habillé en flanelle blanche, beau gosse d'un peu plus de 80 ans, basket cool, un peu timide, se considérant comme un chanteur assez moyen. Et si, parmi le public, il sentait un peu de chaleur, un peu d'enthousiasme, il s'asseyait au piano et commençait à chanter quelques notes de ses hits indépassables. Un soir où je l'ai vu, il a murmuré divinement, à la manière d'un Chet Baker, et c'était absolument lumineux. Mesdames et messieurs, voici Burt Bacharach. 12 mai 1928, 8 février 2023. Burt Bacharach, c'est un siècle de son et on continue pour ouvrir ce bal dans la nuit des temps avec Isaac Hayes dans une version phénoménale de The Look of Love. Le titre était bien entendu composé par Burt Bacharach et créé en 1967 par Dusty Springfield. Cette chanson fait partie de la bande originale du film Casino Royale réalisé par John Huston. La nuit des temps, bienvenue à vous. The love of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look of love. So much more than words could ever say. Yeah. A look my heart has heard, my mind takes my breath away. De la pop. The Look of Love est un standard qui a été repris en bossa nova, en musique d'ascenseur, en jazz et samplé des dizaines, voire des centaines de fois. Ce titre de Burt Bacharach est resté bien plus célèbre que le film dont il est issu et qui était une sorte de parodie un peu kitsch de James Bond, Casino Royale. The Look of Love a été repris par Herb Alpert, Dorothy Ashby, Patty Austin, Dominique Dalcan, Anita Baker, Charley Basset, le percussionniste Willy Bobo, The Delphonics, Neil Diamond, The Four Tops, et même pour le jazz, Errol Garner, Marvin Gaye, Stan Getz. Et là, à l'instant, Isaac Hayes que nous écoutons. Cette version d'Isaac Hayes qui a été ensuite resamplée par Jay-Z et Snoop Dogg. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you, now that I have found you. Don't go. L'influence de Burt Bacharach est considérable et se niche partout. Par exemple chez Étienne Dao en 2000, avec peut-être l'une de ses plus belles productions. L'Abbé, un extrait de l'album Corps et Armes. Et la trompette, si chère à Burt Bacharach. Personne n'entend. J'ai perdu. désert, l'océan. Plus personne n'entend. Étienne Dao a toujours été inspiré, entre autres, par la pop des années 60. Et il porte une vraie fascination pour les femmes qui, à l'époque, tentaient de se frayer un chemin musical pas facile parmi les productions semées d'embûches. Dionne Warwick, par exemple. Dionne Warwick a commencé comme choriste auprès de Burt Bacharach. Et l'enregistrement de son célèbre hit Walk On By est d'abord relégué sur la face B de Any Old Time of the Day, jusqu'à ce qu'un DJ new-yorkais fou de musique, Murray The K, organise sur une radio un vote auprès de ses auditeurs pour départager les deux faces du single. Et c'est ainsi qu'est né l'un des plus grands standards pop, mais surtout soul au down-tempo complexe et pourtant d'une fluidité absolue. Voici la version orchestrale composée et arrangée par Burt Bacharach himself. Nous sommes en 1964 et c'est beau comme un film de Claude Sautet. Ce sont des sons d'un autre temps, des réminiscences. Vincent Lecomte revisite son œuvre et nous fait entendre sa voix. Nous sommes en 2023. Our voice for Vista is Marlena Dietrich. I'm glad that Burt Bacharach is with you and perhaps you would introduce him to our Vista audience. I'm so very glad to. All the world knows him now because I've known him since a long, long time. Burt Bacharach. Well, Burt, you couldn't improve on the phrasing, but would you contest the accuracy of that part? Yeah, Marlena did know me, really before. Many, many people know me now. Please. You know, in any field where one achieves a degree of success, I suppose an element of luck is usually involved. For me, I've always felt lucky to work with a terrific lyricist, Mr. Hal David. I know I speak for Hal when I say one of the luckiest things to happen to the both of us was that opportunity to write songs for an extremely warm and talented lady, Dionne Warwick. She's too much. People have said our musical relationship is like a perfect marriage. Maybe it's built on love and understanding, her love of music, and our understanding of her great talent. Ladies and gentlemen, Dionne Warwick. Alfie is like, Alfie was a song that was written for a picture. We worked differently on that, Hal and I. Hal wrote the lyric first. I like the songs so very, very much. If you press me for what my favorite song is, or the one I'm most proud of, that just about is number one. The song we're going to do is one of the best lyrics that Hal David ever wrote, or that anybody ever wrote. And thank you, Hal, for all the wonderful lyrics that you've written. I asked to do a demo once, and I think we paid you $15 for it. It's $12.50. Well, I took that $12.50 and I listened to it over and over, and I was absolutely hypnotized by what I heard. And that's always called making sense. Songs that didn't put

while riding I think of us dear. I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time I say a little prayer for you. Forever, forever you stay in my heart. La nuit des temps, Radio Duo. Well, you're sure it is. Right, we can begin. My name is Alfred. Once there was a time when my mind lay on higher things. And once there was a time I could find pretty words. But now, well now I find it saves time to say what you mean. I know it seems so unrefined, but it's time to let off some steam. Oh, come on! Everybody knows that no means yes, just like says country on the NHS. But the more I look through them, the more I see I'm becoming more like Alfie. Once there was a time when a kind word could be enough. Yeah, and once was a time I could blindfold myself with love. But not now. Now I'm resigned to the kind of life I reserve for other guys less smart than I. You know the kind who will always end. Everybody knows that no means yes, just like glass says country on the NHS. But the more I look through them, the more I see I'm becoming more like Alfie. Yeah, come on!

avec Sandy Shaw pour terminer. Perfectionniste, obsessionnel, celui dont la musique était considérée pendant longtemps comme commerciale ou d'ascenseur, ou juste de l'easy listening, était un sculpteur de sons, de mélodies et de rythmes. C'était aussi un expérimentateur, comme lorsqu'avec Tom Jones pour What's New Pussycat, il a synchronisé en direct 5 pianos en même temps. C'est un peu dingue. En 1965, pendant l'enregistrement dans les studios d'Abbey Road, George Martin, le producteur des Beatles, lui dit après une 20e prise « Burt, je crois que la prise 4 était bonne. » Et Burt Bacharach de répondre « Je tente toujours d'approcher la perfection, de saisir la magie. » La carrière de Burt Bacharach s'est poursuivie dans les années 80 avec quelques merveilles dont il s'agirait de redécouvrir aujourd'hui les délices mélodiques. Si vous voulez, c'est un petit peu comme Alfred Hitchcock. Longtemps, on a cru que sa fin de carrière était médiocre. Or, ses derniers films se sont révélés être des purs chefs-d'œuvre qui ont façonné rien de moins qu'un Brian De Palma. On referme les portes de notre bon vieux club, la tête levée vers les étoiles, avec au loin, celle de Burt Bacharach. Et tout de suite après, dans quelques minutes, vous allez retrouver l'excellente émission emplie de nourriture culturelle, qui ou quoi. La nuit des temps, ce n'est pas seulement sur le 89.5 en direct tous les jeudis soirs à 21h, c'est aussi en podcast. Vous pouvez les retrouver sur le site de Radio Duo ou également sur Instagram à la nuit des temps 2 avec tous les anciens numéros. Passez une très très belle soirée, donc dans quelques minutes, n'oubliez pas d'écouter qui ou quoi. Et juste avant, encore un petit air de Burt Bacharach, avec cette fois-ci du Bacharach des années 80 et Christopher Cross. Très belle soirée à vous, à bientôt, salut! Ba ba ba ba da da ba. once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know,